aventurière. Elle combat les mâles qui meurent dans la folie de la reine. Lisa rêve de révolution, oublie ses sens d'un lieu physiquement fermé, nouvelle cadence. Je sais ce qui se passe, les hommes l'ont surpris. Des sentiments s'écoulent sur son ventre. Ils sont rouges comme le ciel lorsqu'il meurt. Lisa rêve de révolution, oublie ses sens d'un lieu physiquement fermé, nouvelle cadence. Pendant que l'on sèche ses plaies, les traîtres manœuvrent dans l'ombre. Leur moment viendra, leur danse se découvre. Saleté lentement se meurt, c'est la guérilla dans les villes. Lisa rêve de révolution, oublie ses sens d'un lieu physiquement fermé, nouvelle.